Sais-tu pourquoi Wilhelm Röntgen a appelé ces rayons les rayons X? Lorsqu'il les découvre en 1895, il ne les connaît pas. Bah oui, logique. Ils sont donc inconnus. En mathématiques, l'inconnu est symbolisé par la lettre X. C'est pourquoi c'est cette lettre que le physicien a choisie.